Ale de Santa Gracia. Retour dans les parages vides. Je donnerai mon corps à vide à celle que l'amour gracia. Au temps des premiers acacias, un soleil froid, presque livide, éclairait faiblement Madrid lorsque ma vie se dissocia.